Les éditions de l'avenir présentent Mazas Pavel, les conjurés de l'espoir. Roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 16. Dans les années qui ont suivi le conflit avec les Bleus, l'Empire solaire s'est replié sur lui-même à la recherche d'un second souffle. Puis, progressivement, il a pu envisager et entamer une reprise de son expansion pacifique. Mais dans l'ombre, les adversaires habituels des Terraniens continuent inlassablement à comploter. Une société secrète, l'Aspar, fondée par un vieil ennemi surgi d'un lointain passé, a décidé de détruire l'œuvre de Perry Rhodan et d'Atlan. Formée d'Arconides, d'Anti, d'Ara, de francs-passeurs et de Terraniens félons, elle a vu le jour quelques décennies auparavant. Elle poursuit son travail de sape, en tentant à présent de s'attaquer directement aux plus hauts personnages de l'État. Mazas Pavel, ulcéré par une fin de non-recevoir du Lord Amiral pour une demande qui lui tient particulièrement à cœur, considère cela comme une marque d'ingratitude à son égard. Elle pourrait bien devenir une recrue de choix pour les ennemis de l'Empire solaire et rejoindre les conjurés de l'Aspar. Prologue. OMU 1, le 6 décembre 2360, dans le bureau d'Atlan. Non, Mazas. Votre demande est inacceptable. Votre arrogance également. Et toutes vos arguties ne changeront rien à ma décision. Mais, Lord Amiral, je ne vous demande pas la Lune. Écoutez-moi bien. Vous avez rempli des missions très difficiles pour l'OMU. Et nous vous en sommes tous très reconnaissants. Mais là, vous me réclamez l'impossible. Voyant que la jeune femme ouvrait la bouche pour protester une fois de plus, il prit son ton le plus cassant pour ajouter « Je ne veux plus vous entendre. Rompez et allez vous mettre aux arrêts dans vos quartiers. J'ai à réfléchir à la suite à donner à vos propos déplacés. » La mâchoire serrée, le masque dur, Mazas Pavel salua sèchement son supérieur et tourna les talons. Elle quitta le vaste bureau en passant devant le garde en faction à la porte. Le militaire la salua cordialement, mais, à sa grande surprise, elle lui répondit à peine et il crut l'entendre marmonner entre ses dents « Il me le paiera ». Ne décolérant pas, la jeune femme ignora carrément, à leur grand étonnement, le geste amical des deux jeunes sous-officiers qu'elle croisa dans le couloir menant à la salle des transmetteurs. Elle eut un sourire crispé à l'encontre du technicien chargé de veiller au bon fonctionnement du système de transmission et, exhibant le badge qui l'autorisait à circuler sur toute la base, lui dit « OMU 17, s'il vous plaît ». L'homme pianota une série de chiffres sur son moniteur et désigna deux colonnes sur sa gauche. Deux faisceaux énergétiques les entourèrent avant de se rejoindre pour former une arche lumineuse. Mazas s'avança d'un pas tranquille et en franchit le porche. Elle se rematérialisa sur OMU 17, où se trouvait le petit appartement qu'elle occupait lorsqu'une mission l'attendait, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Pensive, elle s'engagea sur le tapis roulant qui menait au centre de l'astéroïde. C'est là que se tenait le quartier des habitations et des commerces. Elle logeait dans un petit trois-pièces de grand confort, au dernier étage d'un immeuble bas. Le visage fermé, elle posa machinalement la main sur la plaque sensitive pour programmé pour réagir à l'empreinte de sa paume. La porte coulissa sur le côté et elle pénétra dans son foyer. Une heure plus tard, elle quitta le canapé confortable dans lequel elle s'était laissée tomber et dirigea ses pas vers son petit restaurant habituel. La base sur laquelle elle se trouvait était située dans une zone galactique quasi désertique. Elle servait d'avant-poste de l'Empire, ses détecteurs braqués en direction du vide sidéral à l'affût d'un ennemi potentiel. OMU 1, appelé aussi Centre Quinto, où avait eu lieu son entrevue orageuse, était le centre névralgique de l'OMU. Atlan y avait ses bureaux et ses principaux collaborateurs y possédaient une résidence. Résidence souterraine va de soi, car les 104 stations d'intervention de l'OMU des Mondes Unis étaient constituées de planétoïdes évidés, des cailloux de l'espace, déserts et dépourvus d'atmosphère, aussi anonymes que possible pour en préserver le secret. Les différents centres étaient reliés entre eux par des transmetteurs. Mazas s'installa à une table pour une personne, fuyant visiblement les collègues avec lesquels elle partageait habituellement ses repas. Elle commanda une salade de carottes, un bref éclair amusé dans le regard en songeant son ami l'émir, un steak grillé avec du maïs et un fromage de Carsac. Mais le cœur n'y était pas et ne fit que grignoter. En revanche, contrairement à sa sobriété coutumière, elle ingurgita 4 verres de Vurguse. Installé à une table à proximité, un capitaine de l'OMU la regardait avec un léger sourire. Mais elle ne parut pas s'apercevoir de son insistance. Ayant laissé la moitié de son assiette, elle avala un café brûlant et se leva. Titubant un tout petit peu, elle quitta la salle de restaurant et rejoignit ses pénates. 30 ans auparavant, sur un petit monde minier du nom de Mazas, un bébé de quelques mois, seul rescapé du massacre perpétré par des pirates, avait été recueilli par le capitaine Pavel, commandant des mercenaires carsaciens. Déjà père de 7 garçons, le vieux soldat avait considéré qu'il venait de recevoir un don du ciel et il avait ramené la petite fille à sa femme. L'enfant avait grandi auprès de frères dont le seul but était de devenir mercenaire comme leur père. Tout naturellement, elle avait décidé de suivre leur exemple aux grandes dames de maman Pavel qui aurait tant voulu la voir devenir agricultrice, mais à l'extrême fierté du chef de famille. Accueillie avec ironie par les petits machos du coin, sa décision avait bien fait rire. Mais les rieurs avaient rapidement découvert, à leur corps défendant, que la gamine avait du répondant. Et un certain nombre, bien des années après, portaient encore dans leur chair, et surtout dans leur amour-propre, des cicatrices indélébiles. Elle s'était rapidement imposée dans le corps des mercenaires et, ayant eu l'occasion de sauver l'ami de Melbar Kassam, avait été repérée par le Lord Amiral lui-même et invitée à rejoindre les rangs de la prestigieuse OMU, où elle s'était illustrée à plusieurs reprises. Elle était même devenue un des agents préférés du dernier empereur de Gosrantan. Mais depuis quelques heures, tout avait changé. Sa vie venait de basculer dans le cauchemar. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le prologue de Mazas Pavel, Les Conjurés de l'Espar, par André Bory. Les interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Fred dans le rôle d'Atlan et Christian Martin à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez lavenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.